Chargasto rencontre Kalos dans l'escalier. Kalos est tombé parce qu'il lisait en descendant l'escalier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lisais Harry Potter en descendant l'escalier. Et tout de suite, je suis tombé. C'est dommage. Faites attention la prochaine fois.